Assez. C'est quoi cette tonalité, quoi? Assez bonada. Ah oui, ils font. Putain, ils sont en quatrième case. Assez bonanga, assez bonanga, bonanga, bonanga. Ça va être trop aigu ça. Moi j'ai trouvé ma tonalité. Enfin, peut-être un peu aigu. J'ai mis un capot. Bah, lui il met un capot aussi, je crois. En quatrième. En quatrième case, un capot avec un do. Quatrième case, un do. Un petit accord, je sais pas lequel. Ah, mais c'est facile, il y a 4 accords. Putain. Je fais que le refrain, c'est tout. C'est pour. En honneur à Monsieur Mandela. Je fais en quatrième case, capot, do, la mineur, sol. C'est arrêté. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, quand même, pas envie de passer toutes ces années en prison. C'est pas ça, putain, d'accord, il me manque. Assez bonanga, Mandela tina, la pecona, la pelelicona. Assez bonanga, Mandela tina, la pecona, la pelelicona. Après, ça va faire du son. Sol, fa. The sea is gone, the sky is green. Look across. I see. Je t'écoute. Comment j'ai chanté ce matin? Je t'écoute, hein. J'arrête quand. Bonanga, I see Bonanga.